Bonjour, ici Valérie Levé sur les ondes de CKRL 89.1 pour votre magazine de culture scientifique Futur Simple. C'est aujourd'hui la dernière émission de la saison et en cette dernière émission, nous allons faire honneur aux dames de science et plus particulièrement aux femmes astronomes d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. Car on connaît les astronomes du passé comme Nicolas Copernic ou William Herschel ou Tycho Brahe, mais les femmes astronomes du passé sont passées sous silence, sauf sous la plume de Jérôme Delalande, lui-même astronome et qui a écrit en 1786 un ouvrage intitulé « L'astronomie des dames » et dans lequel il fait un portrait des femmes astronomes de l'époque. Alors le livre fut mis à l'index et oublié, mais il refait surface aujourd'hui aux presses de l'Université Laval. Le livre est présenté et complété par Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi Valérie. Alors dites-nous, ce livre, il a été mis à l'index, mais il en reste quand même des copies par-ci par-là. Et vous, vous avez mis la main dessus comment? Est-ce que c'est par hasard ou vous connaissiez son existence et vous l'avez cherché? Je ne le connaissais pas. J'ai tombé sur ce livre alors que je travaillais sur mon livre précédent, « La Terre dans l'espace ». Et je recherchais des illustrations qui montrait de l'instrumentation astronomique du 18e siècle dans les observatoires. D'ailleurs, c'est une époque qui a eu beaucoup d'améliorations dans les différents instruments, incluant les télescopes. Et tout d'un coup, je suis trouvé le titre m'a intrigué, Astronomie des dames. Donc, je suis allé voir, c'est un tout petit livre. Et son contenu m'a tout de suite étonné. Par d'abord la place qu'il faisait aux dames. Il expliquait pourquoi il avait rédigé ce livre qui était destiné à l'enseignement de l'astronomie, cours d'introduction donné par une personne qui était son amante, qui a été ensuite son assistante et sa grande amie jusqu'à leur décès réciproque en 1807. Le livre m'a étonné par son contenu aussi. Je l'ai lu un certain nombre de fois. Il est disponible toujours aux archives de la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est là que je faisais mes recherches dont je viens de parler. Et il m'a étonné d'abord par son contenu astronomique. Le livre est publié à la fin du 18e siècle. Mm-hmm. Et sa pertinence et sa validité demeurent bien actuel. C'est un petit traité d'introduction à l'astronomie, comment on observe le ciel, comment on dérive les propriétés des astres, et son jugement à tout point de vue demeure correct aujourd'hui, de sorte qu'on peut réutiliser ce livre pour l'enseignement de l'astronomie de base. La seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu d'utiliser des kilomètres, il utilise des lieues. Mm-hmm. Au lieu d'utiliser des mètres, il utilise des toises, la longueur du bras. Au lieu d'utiliser des centimètres, il utilise des pouces et même des pieds, donc l'ancienne unité française. Donc, j'en ai converti quelques-unes, mais dans les tableaux, je les ai laissées parce qu'elles ne changent pas le propos et les nombres demeurent pertinents. Donc, pourquoi est-ce que, du point de vue astronomique, le livre, le contenu demeure entièrement valable, sauf quelques petites erreurs d'interprétation? C'est qu'il s'est limité à ce qu'on connaissait à l'époque, à la fin du 18e siècle, ce qu'on connaissait à propos du système solaire, des planètes, du Soleil. De la Terre, de ses mouvements. Et tout est à peu près la même chose. On est un peu plus précis dans les chiffres, évidemment. Oui. Mais donc, ça veut dire que c'est un manuel d'introduction à l'astronomie qui reste pertinente pour des gens qui commencent peut-être des études en astronomie, mais même pour n'importe qui a envie de s'initier, de savoir qu'est-ce que c'est une éclipse, comment on calcule les distances. On trouve toutes ces informations-là dans un langage quand même relativement simple dans ce petit livre-là. Oh. Tellement simple que moi, j'ai trouvé des petits trucs là, pour mieux vulgariser des choses. Et en fait, c'est même un niveau qui est d'une pédagogie et une simplicité dans le bon sens du mot qui est presque oubliée aujourd'hui. Souvent aujourd'hui, on suppose que les gens savent comment une chose se passe. Et lui, non. Il nous met un peu au départ et nous explique vraiment comment fonctionne la parallaxe, le fait que de deux points dont on connaît la distance, si on mesure un angle vu de ces deux points à un point distant, comment on peut en dériver la distance. Il le fait de plusieurs manières, il donne des exemples concrets. Et cette approche, elle est superbe. C'est un peu comme quelqu'un qui répond aux questions d'enfant. Et notre cerveau n'ose pas se mettre dans cette position, et pourtant, on doit le demeurer face à certaines questions par rapport aux observations astronomiques. Donc, et évidemment, il va beaucoup plus loin que ça. Il explique des phénomènes plus fondamentaux qui forment la base de ce qui est l'astronomie et l'astrophysique contemporaine. Donc, du point de vue didactique, pédagogique, c'est un petit ouvrage qui reste complètement actuel, même si c'est le regard d'un astrophysicien, d'un astronome de la fin du 19e siècle, du 18e siècle et du début du 19e. Ouais, de toute façon, ces bases-là n'ont pas changé. Mais en même temps, donc, dans ce livre, il présente des femmes astronomes de son époque. Donc, en fait, comment que ça se passe dans le livre d'origine? Il présente, il fait un portrait de ces femmes-là et ensuite, il a ces chapitres d'introduction à l'astronomie. Exactement. Donc, c'est un peu ce que j'ai repris. Je vais parler un petit peu plus du format que j'ai construit. Donc, il fait un éloge assez rapide de femmes qui œuvraient en astronomie. Donc, d'ailleurs, la raison pour laquelle il le faisait, c'est que il était évident, même s'il n'a jamais été marié, Lalande, qu'il aimait les femmes et elles lui rendaient bien en retour. On disait qu'il était laid, petit, on le décrivait comme ayant une tête d'aubergine. Les portraits ne le montrent pas avec une tête d'aubergine, mais c'était un homme, d'autre part, qui avait une parole qui était précise, élégante, concrète et qui avait un sens de la répartie assez, parfois même brutal, on lui en a fait reproche. Mais il était grandement respecté des femmes et il a contribué d'ailleurs, non seulement par cet ouvrage, à faire certaines actions qui ont promu le rôle de la femme. Entre autres, il a donné, parce qu'il y avait un lien entre l'Observatoire et l'Université de Paris à Sorbonne, il a ouvert toutes les classes de sciences aux femmes autant qu'aux hommes. On est à la fin du 19e siècle, avant et pendant un peu la Révolution française. Donc, c'est un homme d'une grande ouverture d'esprit par rapport à son époque. Et aussi, c'était une époque, il n'était pas le seul, où les femmes commençaient à travailler plus directement dans les activités scientifiques, entre autres dans les observatoires, pas dans les universités. Donc, dans les observatoires, elles étaient employées à titre de ce qu'on dirait aujourd'hui assistantes de recherche ou chargées de recherche. Et dans le cas de Lalande, elles ont contribué beaucoup, et j'en parle, lui il en parle, et j'en parle beaucoup dans la présentation du livre, à effectuer des calculs extrêmement complexes. Et une des personnes que je mets en évidence et que lui le fait, c'est l'astronome Nicole Reine-Lepaute, qui était l'épouse de Jean-André Lepaute, qui est un grand horloger de France. D'ailleurs, il y a certaines de ses horloges qui fonctionnent toujours comme telles à Paris. Donc, ces femmes, et c'est pour ça que moi, je transforme le livre Astronomie des dames, je fais aussi les dames de l'astronomie, parce que je présente non seulement plus en détail celles qu'il présente, lui, dans son livre, des femmes à partir d'Hypatie, la grande astronome mathématicienne de 4e siècle, qui a été assassinée, massacrée par les chrétiens, mais aussi, surtout, celles du 17e siècle et 18e siècle qui sont mentionnées brièvement par Lalande. Donc, juste pour revenir à ce que je disais, un bel exemple du travail que les femmes à l'époque faisaient, non seulement était de faire certaines observations, d'aider à certaines observations, entre autres de la position d'étoiles, pour un grand catalogue d'étoiles, 50 000 étoiles que la lampe a complétées. Mais aussi, Nicole Reine-Lepaute, qui était une excellente calculatrice, a travaillé à calculer l'orbite prévue de la comète de Halley. Ah oui. Donc, en 1686, donc pratiquement 100 ans auparavant de l'époque dont on parle présentement, Newton avait publié son grand traité qui expliquait le mouvement des astres par la loi de la gravitation, cette force qui varie selon l'inverse du carré de la distance. Et à son époque, il y avait un astronome qui s'appelait Edmund Halley qui avait reconnu qu'un objet dans le ciel, une des comètes, était récurrente. Elle revenait à peu près à tous les 74-77 ans. Et il avait prévu qu'elle allait revenir autour de 1758. Ces comètes ont des orbites qui ne sont pas des cercles, elles sont des orbites très, très allongées, qui ont souvent la forme d'ellipses extrêmement allongées. Donc, on n'était pas sûr si elles obéiraient aux lois de la gravitation de Newton. Et c'est la prédiction qui avait été faite, c'est sur une base assez simple, que le Soleil était la seule force principale d'attraction. Mais déjà, on suspectait que les objets de petite masse, et on avait déjà une idée que c'était le cas des comètes, s'ils passaient relativement proches de Jupiter ou de Saturne, leur trajectoire allait être perturbée. L'orbite ne serait pas comme on prévoyait en tenant seulement compte de la masse du Soleil. Et c'est Nicole Reine-Lepaute qui s'est mis pendant des mois à calculer, en regardant la position à chaque point, et de voir quelle est la force que pouvait exercer en addition de celle du Soleil, Jupiter, qui elle aussi bouge, et Saturne, qui elle aussi bouge autour du Soleil. Et elle a dérivé que la comète, au lieu de revenir en 1758, allait revenir une année plus tard, en 1759, ce qui s'est révélé le cas. Aujourd'hui, ces calculs sont extrêmement importants pour les trajectoires de satellites et aussi pour suivre certains astéroïdes. Et on fait ça avec des ordinateurs. Mais à l'époque, c'était fait à la main, entre autres, par des femmes qui étaient d'excellentes calculatrices, qu'on appelait d'ailleurs les logarithmières de logarithmes. On utilisait les logarithmes depuis pas très longtemps qui avaient été inventés au siècle précédent. Okay, ouais, donc, on les appelait les logarithmières. Ouais. Oui, que j'aime beaucoup l'expression d'ailleurs. Oui, ça veut tout dire. Ça veut vraiment dire qu'elles étaient spécialisées dans un calcul. Il y a une autre astronome aussi dont il faut parler, je pense, c'est Émilie Duchâtelet, c'est ça? Oui, Émilie Duchâtelet, plutôt une physicienne. Elle est mieux connue. Les astronomes que je mentionne sont assez peu connus. Et Émilie Duchâtelet et Caroline Herschel sont deux grandes qui sont connues, qui sont plutôt du 18e siècle. Donc, Émilie Duchâtelet, malheureusement, elle est décédée jeune, en couche, comme ça arrivait aux femmes à l'époque. Et elle est connue pour sa relation qu'elle a eue avec Voltaire. Ils étaient amants et ils travaillaient ensemble sur plusieurs travaux. Et le travail le plus considérable qu'a fait Émilie Duchâtelet, ça a été de traduire ses Principia Mathematica de Newton, dont on vient de parler. Donc, c'est un livre extrêmement complexe où Newton présente la loi de la gravitation, introduit une version newtonienne de ce qu'on appelle aujourd'hui le calcul différentiel et intégral, et en fait la traduction en français. Et d'ailleurs, la traduction des principes mathématiques de Newton dans sa version française va demeurer la version française la mieux connue, la plus utilisée jusqu'au début du 20e siècle. Donc, elle publie certains autres travaux. Elle arrive à certains résultats très intéressants. Entre autres, un que je trouve intéressant, c'est que l'énergie cinétique, l'énergie reliée au mouvement d'une masse, elle montre que c'est égal à 1/2 fois mv2. Donc, il y a une relation entre l'énergie cinétique et le carré de la vitesse. Donc, c'est un résultat très important aujourd'hui qui fait partie du bagage commun. Ouais. On ne se pose même plus la question. Et en plus, le demi est une introduction assez intéressante dans ce facteur-là. Donc, oui, Émilie Duchâtelet, disparue trop jeune, une grande de la science mathématique et physique du 19e siècle. Donc, il y a du 17e siècle, excusez-moi, oui. Donc, il y a ces femmes astronomie donc, du passé que Jérôme de la Lande présente et que vous présentez vous-même en ajoutant des éléments biographiques que peut-être Jérôme de la Lande ne présentait pas, ne connaissait pas. Donc, ça, c'est le premier triptyque du livre. Ensuite, vous présentez le corps du livre lui-même, donc avec les éléments d'astronomie. Mais vous avez ajouté un troisième triptyque à ce livre, qui est donc celui où vous présentez des femmes astronomes de notre siècle. Absolument, donc 20e, disons. Ouais. Le siècle est déjà Ouais. passé derrière nous. Certaines débordent sur le 21e, mais elles étaient déjà à la retraite. Donc, j'en présente 7 astronomes. Là, c'est évidemment, ce n'est pas des femmes présentées par Jérôme Lalande, mais je voulais poursuivre avec le propos de Lalande et surtout ce qui se produit à la fin du 19e et au début du 20e, c'est l'entrée des femmes en sciences, non seulement dans les observatoires, dans certaines autres institutions scientifiques, mais aussi dans les universités. Et elles sont plus que des logarithmières, calculatrices. Ouais. D'ailleurs, il y aura un groupe de femmes travaillant au Harvard College Observatory, Harvard, proche de Boston, lié à l'Université d'Harvard, qui vont travailler comme computers, donc calculatrices, et, parce qu'elles effectuaient le travail qu'on fait aujourd'hui avec des ordinateurs. Il y a toutes sortes de raisons. Les femmes, bon, on peut dire, elles sont plus minutieuses et tout, bon, c'est pas tellement le facteur déterminant, mais c'était pour deux choses. D'abord, c'était des tâches, des postes de haut niveau que des femmes pouvaient accomplir, ouais. Et certaines le recherchaient. Et aussi, et c'est malheureux, au début du siècle, on pouvait les engager et les payer moins cher que les hommes. Donc, évidemment, je le montre, c'est une dimension qui a été corrigée, qui s'est atténuée jusqu'à dans les décennies qui récentes. Je présente aussi certaines autres femmes extraordinaires, deux que j'ai connues, qui sont maintenant décédées. Donc, comme je présente Margaret Burbidge, qui est une femme qui est décédée à 101 ans récemment, donc une grande astronome que j'ai rencontrée quelques fois et dont j'ai rencontré une mari un peu plus de fois. Donc, leur trajectoire est extraordinaire parce qu'elle vraiment, elle démontre comment les femmes font leur place en science et elles doivent défoncer des murs parfois. Donc, ces exemples-là, je m'en sers pour illustrer le chemin parcouru et de comparer avec les portraits que j'ai faits dans la première partie de ce triptyque. Donc, peut-être un des exemples les plus étonnants est celui d'une femme qui s'est retrouvée à un des postes d'administration très élevés à la NASA dès les années 1960, au moment de la création de la NASA. Et ça, c'est une chose importante. Les grandes agences américaines ont été les premières à défoncer les murs, à amener, à donner des possibilités à des femmes noires. Donc, je parle de Katherine Johnson, qui a travaillé à la NASA, et je parle de cet oncle, Nancy Roman, qui a occupé un poste très, très élevé pour la gestion des grands programmes scientifiques comme le télescope spatial Hubble. Donc, il y a cette dimension où les femmes n'entrent non seulement dans le domaine de recherche, mais aussi dans les domaines d'activité, d'ingénierie de très, très haut niveau et aussi à des niveaux de gestion, de détermination de ce qu'on va faire dans le futur, dans quoi on va investir. Donc, une intégration totale qui n'est pas complétée. Il y a encore des failles. Il n'y a pas assez de femmes en sciences. Certains secteurs sont sous-peuplés, entre guillemets, surtout sur liés au génie. Et il y a aussi des différences entre les différents pays. L'Europe par rapport à l'Amérique, etc. J'en parle, j'en glisse quelques mots, mais ce sont des questions où je soulève seulement le voile. Et en fait, je souhaite par mon ouvrage de montrer comment les femmes, entre guillemets, qu'on ignore un peu par paresse, par ne pas vouloir fouiller dans la documentation. Les femmes ont toujours été présentes à un certain niveau et elles le sont aujourd'hui avec une force et une ampleur qui est croissante. Mais on a l'impression en lisant ce livre-là que le parcours a été un petit peu différent entre les femmes du 17-18e siècle et celles d'aujourd'hui, en ce sens que celles du 17-18e semblaient quand même appuyées par un homme. Il y avait quand même quelqu'un en arrière qui facilitait leur carrière. Ça a peut-être été encore un petit peu le cas dans les femmes du XXe siècle que vous présentez, mais on le sent moins à ce côté-là quand même. Oui, la famille, le rôle des mères et des pères est plus costaud. En fait, c'est une chose assez remarquable parfois au 19e siècle, des exemples assez connus comme Émilie du Châtelet, où la mère voulait rien savoir, elle voulait que la fille devienne une bonne ménagère, une bonne épouse, etc. et tout. Et on revoit ça aussi au 19e siècle avec une autre femme dont je parle pas, avec Mary Somerville, qui doit faire leur chemin seule ou avec l'appui d'un oncle. D'un père qui, lui, reconnaît les talents de la fille. Donc, ça, c'est tout de même, je veux l'inscrire dans une dimension de mentorat en général. Et ce mentorat doit s'appliquer autant aux femmes, aux jeunes filles qu'aux jeunes hommes, enfants jusqu'à l'adolescence. Et il y a toujours besoin d'un peu de cet appui, de cet encouragement, même si les jeunes sont d'une grande intelligence et tout. Il y a besoin d'orienter un peu par cette aide, par cet appui, cet encouragement, et de surtout donner les moyens et de contrer les messages de la marchandisation des rôles sociaux qui veulent caser les filles dans une certaine direction et les gars dans une autre direction. Et ça demeure un problème majeur dans l'éducation actuelle. Non, ouais, parce qu'on voit à travers ce livre-là qu'il y a des femmes qui ont contribué, bon, au calcul, mais qui ont aussi fait avancer les idées, les concepts en sciences, en astronomie, et qui ont participé à la gestion des grands programmes. Donc, on voit qu'elles ont tout à fait leur place dans la science et qu'il y a besoin peut-être davantage de modèles. De modèles inspirants. Et c'est justement ce qu'on découvre en fait à travers ce livre, donc des femmes inspirantes. Donc à travers ces quelques 250 pages qui sont faciles à lire, qui sont illustrées, vous avez pris soin d'aller chercher des illustrations. Donc un livre à lire par tous et toutes, autant les hommes que les femmes d'ailleurs. Je pense que c'est autant Absolument. les hommes et les femmes qui devraient lire ce livre. Et c'est donc paru aux presses de l'Université Laval. Alors merci beaucoup Jean-René d'avoir mis les dames à l'honneur avec cette réédition de l'astronomie des dames. Et Jean-René, bah merci beaucoup aussi de nous faire découvrir l'astronomie et les astronomes au fil de vos nombreuses participations à Futur Simple. Et un bon été à toutes les auditrices et auditeurs. Voilà. Et comme c'est la dernière émission de la saison, bien, je remercie les nombreuses et nombreux contributeurs, contributrices qui ont alimenté Futur Simple tout au long de l'année. Alors, Futur Simple fait une pause estivale, mais je resterai au micro des matins éphémères sur CKRL 89.1 avec Caroline Stephenson les mardis matins. Et sur ce, je passe le micro de CKRL 89.1 à l'équipe de l'aérospatiale. Elle sourit dans rien, comme je l'imagine, elle pense bien, comme je l'imagine, elle pourrait même être celle qui sera la femme que j'aime, comme je l'imagine, et comme toujours, elle va près des gens qui aiment l'amour, comme je l'imagine, elle pourrait même être celle qui sera la femme que j'aime, comme je l'imagine, elle aime l'aurore. Les matins d'hiver et la brume qui dort, les nuages rouges quand l'aube se lève, et vient le moment où finit mon rêve. Où vit-elle? Peut-être dans le sud, ou dans les villes, où le soleil vous brûle. Comme je l'imagine, elle sourit d'un rien. Comme je l'imagine, elle pense bien. Comme je l'imagine, elle pourrait même être celle qui sera la femme que j'aime. Comme je l'imagine, elle vient de loin. Comme je l'imagine, c'est une musicienne. Comme je l'imagine, elle pourrait même être celle qui sera la femme que j'aime.